Voilà. Non, c'est un magnétophone. Et vous servez à quoi? Tu n'entends pas? Tu n'entends pas? Après-midi, je suis encore là. Jusqu'à ce soir? Ouais. Jusqu'à 4-5 heures. Tu peux passer l'oreille droite à droite et l'oreille gauche à gauche. L'inverse. Parce que normalement, avec ton oreille droite, tu entends ce qu'il y a à droite et à gauche, tu entends ce qu'il y a à gauche. Et si tu croises les haut-parleurs, ah oui, tu fais l'inverse. Je vais essayer. Il a pris où? Là-bas. Oh, de toute façon, ils sont. Voilà, pour l'instant, et c'est le grand atelier, le grand chantier. Grand chantier d'écoute. Oui, ça va être demain, je crois. Oui. Ah, il y en a une là-bas. Ah oui. Moi, je dis que c'était vraiment un bruit. Ah, j'avais l'impression qu'elle était dans le gris. Oui, moi aussi, je pensais qu'elle était plus loin. Oui. Voilà. Et là, regarde, là, tu m'entends avec tes oreilles normales. Ah, non, non. Voilà. Il y a une stéréo inversée. Toi, tes oreilles, elles sont chères. Voilà. Ben, ça fait bizarre parce que là, tu es. Voilà, maintenant tu nous as remis dans le bon sens. Hein, et maintenant, on est à l'envers. Toi, t'es là-bas? Ouais, je suis là-bas. Ben, c'est parce que, ouais. C'est pour ça. C'est pour que ça fasse bizarre des fois. Tu me parles là et tu m'entends là-bas. C'est ça la ruse, là. Bon, alors on le plante où notre panneau après? À votre avis? Je dirais pas que vous. On le met où le panneau pour écouter après? Le panneau, on peut le mettre là. Ici. Là, non, dans une aire de jeu, non. Ouais, mais je suis monté là-bas. Non, mais il faut le piquer dans le sol alors. Voilà, en fait, ça va être celui-ci. On va rajouter lui. Ça, c'est lui en fait qui va être remis là où on choisira de. On aura choisi notre point de vue. Mais comme il. Hein? Bah c'est fait pour. C'est que tes oreilles marchent encore. C'est bon signe. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Ça va très bien. J'ai des bonnes paires d'oreilles et puis il fait beau, donc oui, tout va bien. Vrai. Alors vous avez un public averti, attentif. Ah, oui. Elle est éteinte celle-là. Hein? Elle est éteinte. Non, non, elle est, non, non, elle est pas allumée, mais tu l'entends. Moi, je l'entends d'ici. Celle-là. Ah, c'est celle-ci. Ah ben, peut-être qu'il y en a une qui est éteinte. Ouais, bah, peut-être qu'il faut que ça se recharge. Ah non, mais elle a pas. Oui, celle-ci, elle a pas de, celle-ci, elle a pas de carte. Elle n'a pas de carte. Donc c'est normal qu'elle faut que je lui mette une carte. Vous avez déplacé les bâches ? Elle bouge. On a une là. De temps en temps, elle change. Bon, mais tu fais une bonne journée. Hein. Je vais passer cet après-midi là-bas. D'accord. Il y a un bruit de couloir. Ouais, tu peux me suivre. Non, non, non, non, non, laisse les boules ici. Bon, c'est trop loin là-bas. Ouais. Ouais, faut pas trop faire fort parce que ça. Non, mais je sais ce que ça fait. J'ai déjà écouté. Oui, oui, oui. Tu peux écouter. Bah là, j'ai rien pour écouter. J'enregistre mais, juste. Mais je te le fais faire. Je te le fais faire. J'ai déjà fait. Oui, j'enregistre quelques sons pour qu'après on puisse les mettre. Fragile. Tu Hein? Pas mal. J'entends, je ne vois pas. On dirait qu'elle est très grande la pièce. Ouais. Alors que c'est tout petit. Faudrait qu'on soit dans le noir complet. Ouais, c'est vrai. Ce serait bien dans le noir. Et on fait des trous partout. C'est-à-dire qu'on est sur un terrain et ben c'est à côté qu'on va faire le trou. C'est pas grave. Doucement. Comme le sauvage. Et la dernière boule, elle est où? Je crois qu'elle est. Je crois qu'elles sont toutes revenues là, il y en a 8. C'est moi qui l'ai mis là. Non, il y en a encore une là-bas. Il y en a 9 en fait. Ah oui, j'en ai rajouté une ce matin. Après, on va ranger. Cet après-midi, on va inaugurer le point de bruit. Vous allez revenir, ouais. Goûter et boire du champagne. Et regarde, c'est en train de marcher sur un truc. Ah, attention, elle a cet étau. Alors. Bon, allez, ciao. Salut. Ciao. Salut, Colin, merci. C'est trop basse, mais remonte. Non, tu es pas droite, ma petite. Vas-y. T'as chaud, ok. Attends. Bien droit, bien droit par rapport à elle. Voilà. Mélina, allez, à toi, Mélina. Attention. Allez, Mélina. Tiens la l'échelle, Amélie. Allez, vas-y, Mélina. Vas-y, monte, Mélina. Allez, encore. Monte, encore, je tiens l'échelle. Et là, c'est des chantiers voilà. Participatifs, là. Allez, tous, fais comme ça. T'appuies, là. C'est des champions de la... Tu vois, attends. Tu vois. Super. Top. Voilà. Et là, très beau, ce point d'ouïe. C'est le premier point d'ouïe matérialisé, parce que les autres, pour l'instant, ne sont pas matérialisés. Ils existent, mais... Nous, si on matérialise pas, ça n'existe pas, hein, ça va se dissoudre. On saura que c'est là, mais alors, chez les enfants qui sauront que c'est là. Et là, comme ça, les autres, ils vont pouvoir poser la question de savoir à quoi ça sert. Demain matin, on va commencer à parvenir ici. Quoi? Pour leur montrer ce qu'on a fait. Non, ils font l'heure. Et ensuite, on fait. De toute façon, on est obligé de venir les chercher. Attends, je vais te montrer. Viens voir. Beaucoup plus spectaculaire et interactif. Parce qu'effectivement, on va être dans un endroit où on peut se permettre parce que... Contre le bout de bois, contre le bout de bois. Parce qu'on a essayé, on voulait en faire deux différents. Là, je trouve que c'est bien parce que... Et au niveau des sons, c'est vrai que de toute façon, le 11, déjà, tu es un peu plus ouvert sur Saint-Denis. Tu as l'impasse Bénin, c'est ça? Bérin. Ah, derrière ta baude, en fait, tu as le trou de... Non, moi, c'est Bérin. Bérin. Et c'est pas de ce côté-là que tu as le plus de sons qui viennent. En fait, les sons, ils viennent par... le trou qui est dans l'axe de ma maison.